sur une statue de Ganymède. Admiré pour sa beauté, le jeune Ganymède fut enlevé par Zeus, appelé ici Jupin, transformé en aigle. Il devint son petit ami. Et quoi? Dans cette ville d'eau, trêve, repos, paix, intermède? Encore toi, de face et de dos, beau petit ami Ganymède? L'aigle t'emporte, on dirait comme amoureux, de parmi les fleurs. Son aile, d'élan économe, semble te vouloir par ailleurs que chez ce Jupin tyrannique, comme qui dirait au revoir, et son œil, qui nous fait la nique, te coule un drôle de regard. Bah, reste avec nous, bon garçon. Notre ennui vient donc le distraire un peu de la bonne façon. N'es-tu pas notre petit frère ?